Section 122 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Bidou. La lecture, tome 2e, section 122, Florent Octobre, par René Mezeroy. Chapitre 2. Or, il advint qu'un dimanche, au sortir de la messe, le pauvre homme aperçut la fille du gouverneur tandis qu'elle remontait dans sa chaise armoriée. Ce ne fut qu'une vision de rêve. Des falbalas de satin brodés de primroses, de tout petits pieds chaussés de mules, larges au plus comme des cornets à dragées, des cheveux frisés qui découvraient le front et une oreille rose, transparente, frêle comme une coquille marine, et l'air, avec ses grands yeux moqueurs, sa bouche qui tenait un brin de marjolaine d'une impératrice altière, d'une apparition de paradis que nul n'a frôlé. Un regard furtif, une main qui fouille dans une bourse et jette une pistole, et la voix si douce et si inclémente qui se raille. « Mon Dieu, le vilain magot! Vous me l'achèterez pour mon étagère, n'est-ce pas, Cahuzac ?» Et le rire mauvais de ce gros marquis de Cahuzac, qui l'avait alors toisé des pieds à la tête, les fronts qui se découvraient, les dos qui se courbaient devant les porteurs graves et raides, comme des processionnaires qui portent le thé à la fête Dieu. Et la portière soulevée encadrant encore le rire railleur, la surprise amusée de cette figure d'enfant qui voulait revoir le joujou dont il avait envie. « Mon Dieu, le vilain magot !» Et Florent, extasié, ne vit que le geste charitable, que le sourire joli qui découvrait les dents nacrées. Il n'entendit pas en son émoi l'exclamation cruelle qui le détaillait comme une marionnette. Ses genoux déformés vacillaient. Il avait envie de marmotter les prières ferventes qu'on psalmodie en l'honneur de la Vierge Immaculée, de se prosterner très humblement dans la poussière, de l'implorer les mains jointes. Et la fleur d'amour, la fleur non pareille si vite éclose et si vite fanée, mais dont le jardin subtil demeure et survit aux adieux, germa dans le cœur du geôlier. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus, il oubliait d'ouvrir les cages et de fermer les portes des prisonniers. Il passait des journées entières, de l'aube au crépuscule, sur une borne de la place aux nobles pour voir ses fenêtres, pour ramasser les vieux bouquets qu'on balayait dans les rues, pour se faire éclabousser par les roues de ses carrosses. Elle habitait un vaste hôtel de pierre au porche imposant, devant lequel allaient et venaient d'un pas monotone deux sentinelles. Et la façade, trouée d'innombrables fenêtres, cachait un grand jardin aux allées profondes, aux pièces d'eau figées dans la lumière verte des feuilles. Oh, que le malheureux vit donner tout ce qui lui restait d'années à vivre pour franchir cette porte, pour ne respirer ne fût-ce qu'un instant dans les salons tendus d'étoffes joyeuses, la vague senteur d'iris qui se dégageait des cheveux de la belle, pour écouter les pavanes de Lully qu'elle jouait de ses malasses sur le clavecin, pour se promener tout près d'elle sous les arbres et ramasser son éventail lorsqu'elle le laisserait tomber, et qu'il ne s'illusionna pas, qu'il mesura la barrière qui le séparait, lui le croquant, le porte-clés malingre, de la très haute et très éblouissante demoiselle Josiane de Ville-Jésus, fille et héritière du duc de Ville-Jésus, gouverneur de la province et grand panetier de sa majesté. Bien qu'il la sentît aussi loin de lui que les constellations du ciel, il s'entêtait dans son impossible amour, dans cette chimère radieuse et folle. Et quelques mois après, vers les rogations, les tambours des régiments parcoururent toute la ville et tous les villages, rabotant sur leurs caisses des appels incessants et escortés de crieurs qui disaient une pancarte du seigneur duc. Mademoiselle Josiane se mourait d'un mal de langueur, où les médecins, malgré leur robe noire, leur ordonnance et leurs lunettes, ne voyaient goutte et perdaient leur latin. Et le gouverneur, effaré, promettait des tonnes d'or aux guérisseurs qui sauveraient sa fille. Il en accourut des quatre coins de la province, des gros, des maigres, des vieux et des jeunes, comme des mouches attirées par un gâteau. Mais ils se retirèrent successivement, les chines basses et la mine piteuse. Et la belle enfant s'appâlissait de plus en plus, s'étiolait, se mourait, comme un lys privé de soleil. Alors, les tambours recommencèrent à parcourir les villes, les villages et les routes, rabotant à casser leurs baquettes et à crever leurs peaux d'âne. Et les crieurs lurent une pancarte nouvelle du seigneur duc. Cette fois, ce n'était plus des tonnes d'or, d'inégrades, qu'il promettait aux guérisseurs. Mais la main de sa fille, fut-il vilain ou noble à 30 quartiers, la main et la dot de la belle Josiane. Florent Octobre en devint comme fou. Que faire? Où découvrir la seule année introuvable, la liqueur magique, la chose inconnue qui arracherait la malade aux affres de la mort, qui rendrait les forces perdues à ce corps sans trêve, engourdi dans une somnolence torpide, du rose à ses joues décolorées, de la clarté à ses prunelles ternies. Et l'épouser ensuite, tenir sa petite main dans la sienne, avoir sa place dans ce grand hôtel imposant dont les sentinelles lui porteraient les armes au passage. À la fin, désespéré de son impuissance, résolu à ne pas prolonger une lutte décevante et inutile, n'espérant plus rien que le sommeil lourd dont on ne se réveille pas, il se sauva un matin de la prison, droit devant lui, à travers la campagne où s'allumaient comme des clartés jaunes de cierges les primes lueurs de l'aube. Il s'arrêta au milieu d'une forêt, devant un étang solitaire où les nuages se reflétaient, et comme il écartait déjà les rennes des prés et les glaïeuls pour s'enfoncer dans l'eau immobile et transparente, le geôlier entendit tout à coup au-dessus de sa tête un grand bruit d'ailes et tellement de gazouillis, de trilles, de croassements qu'on se serait cru dans la boutique d'un oiselier. Malgré lui, il détourna la tête et sur les branches et dans les buissons épineux, reconnut tous les oiseaux de la ville qu'il avait délivrés les uns après les autres. Il l'effleurait de leurs plumes, il le suppliait de leurs yeux attristés et lui parlait. Et Florent, ranimé, paraissait les comprendre, leur contait avec des sanglots sa peine, son amour et les découragements qui le tuaient, qu'il l'avait rué vers la nappe stagnante de l'étang. Alors, l'aigle lui tendit dans son bec recourbé comme un croc d'acier une algue, qui était plus rose que les roses et que les soleils couchants, une herbe fine et tramée comme la soie. Voici l'herbe qui guérit de tous les maux. J'ai été en trois coups d'aile jusqu'au plus loin de la mer grande la cueillir, parmi les champs de Goémon et de Sargasse, qui n'ont ni moissonneur ni moisson, et que les navires n'ont jamais sillonné de leur proue aventureuse. Apporte-la à la belle dont ton cœur se languit, et le rire et le rose et le désir de vivre lui reviendront, comme en un enchantement. Après, ce fut la chouette qui lui mit dans les mains des perles de résine qui scintillaient comme de l'encre polie par le flux. J'ai volé vers la forêt qu'aucune cognée n'a mutilée depuis la naissance du monde, et voici le sang pur des pins qui redressera tes jambes contrefaites, qui rajeunira ton visage, qui te donnera la peau fine et blanche d'un gentilhomme. Puis les pies éparpillèrent à ses pieds des bourses qui débordaient de pièces d'or, des colliers, des bagues, des pierreries qui étoilaient la terre comme une tombée d'astres. Nous avons fouillé pour toi les trésors abandonnés qui dorment dans les ruines. Voici les écus sonnants qui te permettront d'acheter des carrosses et de beaux habits chamarrés de dorures, les bagues que tu passeras au doigt de ta fiancée, les colliers que tu épingleras dans ses cheveux odorants. Les cigognes disaient gravement, nous nicherons sous tes cheminées pour vous porter bonheur. Les tout petits oiseaux, les tarins, les rossignols, les roitelets, les chardonnerets, répétaient de leur joie joyeuse, nous chanterons sur la porte de l'église quand ta noce sortira, quand l'épousée en long voile blanc apparaîtra la main posée sur la tienne. Nous chanterons plus haut que les orgues, que les violons et tous les enfants de cœur, et nous ne quitterons plus ensuite le grand jardin où vous irez rêver ensemble. Nous accompagnerons votre amour de notre musique. » Et ils suivirent Florent d'Octobre jusqu'à la ville, mêlés les uns aux autres, étendant sous le ciel comme une légère draperie bigarrée qui ondulait, qui claquait, et d'où s'échappait tout un frisolis de chansons. Fin de la section 122.